maya na mesa dato ki si te sirte mueli mesa dato ki si te sirte ngazi cha mesa dato ki si te tusha samata mesa dato ki si te sirte wenka mesa dato ki si tu fote nipsi si mesa dato ki mesa dato ki mesa dato ki si t'as pas blessé si ce qu'on voulait vous mentir écoute une deuxième fois le rap en mode ralenti le thème c'est mesa pas la famille, ne faut pas nos origines, c'est nous, parle pas du mal de nos pays, le célestité d'or, ou ça ou elle naï, peut-être elle de mort, on représente nos masiwa dans le respect, dans la joie, moueling azicha, zouani mayana. Ils disent trop de mal, trop de choses qui font mal, et puis demain ciao ciao, ils se font tous la mal, on dirait des masiwa pour se la rouler douce en azicha, mais fort, tous ces gens là, mais fort, tous ces regards, y'a trop de blabla, écoute, mais regarde au fond de toi et imagine nos pères, grands, nos mères, grands des massiwas sont nos descendants. Relativise et réalise qui je vise, mon flow est en crise. Mais ça dans ton kiwas, Rina Tsena is still hey. Mais ça dans ton Nisha, Belka it's okay, hey. Babas, Haraka, Renga, Belki, Sijifa, Baka, Uto, Sumana, Wasira, Himona, eh. Mouta, Ofaya, Nord, Kwa, Ele, Wa, Masini, Si, Haleza, Tamboza, Wajemaza, La, Watu, Warongo, Wa, Amba, Kaza, Wapasa, Nisi, Wafa, Marongo, Zero, Nangizi, Wana, Fika. Si, de, si, de, Tsuani, Mesa, Dato, Ki, si, de, si, de, Mayana, Mesa, Dato, Ki, si, de, si, de, Mueli, Mesa, Dato, Ki, si, de, si, de, Ngazi, Cha, Mesa, Mesa dato ki, si te sirte wenka. Mesa dato ki, si tu fuck un narcissiste. Mesa dato ki, mesa dato ki, mesa dato ki. Ok, merveille un monde français pour ceux qui n'avaient pas bien capté le maori en mode. Azmani wari me mwiru avuli nata fasuru atawa jima za waru mwamba kakazaki. Faut pas test, les 4 c'est le comorien. Même si t'es pas d'accord, toi aussi t'es un comorien. Nous allons de l'or, alors mec t'as tort. Et quand tu en veux encore, je t'en donnerai du hardcore. J'en place une pour le refrain de Moroni à Mamoudzou. Et une pour le refrain de Fomboni à Msamoudou. Pas besoin de me présenter, mon flow tu le connais. Toi qui pars mal pour rien dire, renseigne-toi sur l'histoire de nos ancêtres. Descendants des îles au sultan, batailleurs. Je vogue ton secteur, viens pas tester les îles Comores. Tellement je te vogue avec mon flow. Si tu pars mal des cités d'or, justement, bienvenue aux cités d'or. Encore une fois, nous vous voilà. Sur la scène comme d'hab avec un rap à Massiwa. Ciao, dame, les carrosses, ma voix malabé. Et qu'on c'est mon ami, la tour d'Abora ou stoppé. Ni Kouabi, Yawana, Amba, Wassiri, Nice Steel. Tu peux pas tester les 4 îles. Comme l'a dit Alias, Wassiwa, Jaouri, nos jours. Komoria, Mariana, ensemble, une exil. Si t'es sur ton Tsuani, Mesa, Dato Ki. Si t'es sur ton Mariana, Mesa, Dato Ki. Si t'es sur ton Mueli, Mesa, Dato Ki. Et si t'es sur ton Gazi, Tcha. Mesa dato ki, si tu touches à sa mortale. Mesa dato ki, si tu insultes Wenka. Mesa dato ki, si tu fuck un narcissiste. Mesa dato ki, mesa dato ki, mesa dato ki. Mesa dato ki, mesa dato ki, mesa dato ki. Mesa dato ki, si tu touches à sa mortale. Mesa dato ki, si tu insultes. Mesa dato ki, si tu fuck un narcissiste. Mesa dato ki, mesa dato ki, mesa dato ki.